Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons dépouiller une réussite de la régulation environnementale. Elles ne sont pas si nombreuses, alors ça vaut le coup de les mentionner quand elles arrivent. Il s'agit de la pollution par le nonylphénol et ses dérivés éthoxylés. Alors, ne vous inquiétez pas avec ces mots un petit peu étranges. François va tout nous expliquer en termes clairs. Ces substances ont été ajoutées à l'annexe 1 de la loi canadienne sur la protection de l'environnement en 2001. Et ben, il semble que l'environnement s'en porte mieux, n'est-ce pas François? Oui Valérie, alors le nonylphénol éthoxylé et ses dérivés éthoxylés ont été reconnus pour être des perturbateurs endocriniens et ceux-ci ont des effets néfastes sur les écosystèmes aquatiques. Donc, à la suite de leur ajout à l'annexe 1 de la loi canadienne sur la protection de l'environnement en juin 2001, le ministre de l'Environnement disposait de 42 mois pour élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention ou de contrôle de ces substances. Mmh. Alors donc, tu as prononcé les mots, là, le nonylphénol et ses dérivés éthoxylés. Bon, c'est pas très éloquent quand même pour ceux qui connaissent pas la chimie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces substances et aussi nous dire à quoi elles servent? Oui, alors ces substances, ce sont des surfactants non-ioniques, c'est-à-dire des savons ou des détergents qui ont pour propriété de ne pas se transformer en particules de charge électrique positive et négatives lorsqu'ils sont dissous dans l'eau, contrairement aux savons ordinaires qui, eux, adoptent ce comportement. Mmh. Alors, cette propriété leur confère une performance exceptionnelle. Par conséquent, ils sont très utilisés dans l'industrie, dans les commerces et à la maison, surtout comme détergent, mais on leur connaît beaucoup d'autres usages. Le nonylphénol et ses dérivés éthoxylés sont des substances de source anthropique. On ne les retrouve pas à l'état naturel dans l'environnement. Alors, pour ce qui est de la structure chimique, bon, j'entrerai pas vraiment dans les détails, mais disons que pour donner une idée, ils ont à peu près tous le même squelette, la même structure. Chacun, on pourrait dire, si on compare ça à un être humain, là, chacun avec des jambes d'une longueur différente et avec une tête, ou on pourrait dire une coupe de cheveux différente. D'accord. Donc, quand on parle de nonylphénol éthoxylé ou de nonylphénol polyéthoxylé, on fait référence à un mélange complexe d'une très grande variété de substances qui s'identifie à cette structure. Mm-hmm. La plus grande source de rejet des nonylphénols éthoxylés dans l'environnement canadien est c'est leur utilisation dans les savons de produits de nettoyage avec 56% des rejets totaux. Ah, oui. Au second rang, on retrouve le secteur des textiles avec 18% des rejets totaux, suivi des produits agricoles et pesticides avec 8%. Et du secteur des pâtes et papiers avec 5%. Ah oui, aussi. Et là, quand tu parles du secteur des produits de nettoyage, c'est aussi bien nettoyage domestique, donc chacun d'entre nous, ou nettoyage industriel? J'ai l'impression que ça doit inclure tout ça, oui. C'est tout inclus. Alors, et quand on parle d'environnement, quels sont les effets, le devenir de ces substances dans l'environnement? Finalement, ça fait quoi? Bon, alors une part importante des nonylphénols éthoxylés produits et utilisés comme détergent se retrouve inévitablement dans l'eau, qui aboutit soit à l'égout domestique ou dans un effluent industriel. Alors, ces eaux usées sont ensuite dirigées vers une station de traitement des eaux usées municipale ou industrielle. Mm-hmm. Et ces stations arrivent à dégrader une part importante des nonylphénols éthoxylés qui leur sont acheminés, mais il en reste souvent une certaine quantité qui se retrouve dans l'effluent final et finalement, ultimement, dans le cours d'eau récepteur. Mm-hmm. Alors, leur degré de dégradation dans les stations d'épuration varie en fonction de plusieurs facteurs, comme le type de traitement utilisé, le temps de résidence et la température. Généralement, on constate que les molécules mères à longue chaîne éthoxylées sont absentes ou constituent une faible part des rejets des stations d'épuration. Elles sont bien retenues par le système de filtration. Oui, effectivement. Mm-hmm. Effectivement. Par contre, parce qu'elles sont justement longues, elles peuvent s'absorber là, plus facilement. Par contre, on y retrouve des produits de dégradation intermédiaire à courte ou sans chaîne éthoxylée. Mm-hmm. Or, ces sous-produits de dégradation sont les plus persistants et les plus toxiques dans l'environnement. En fait, ils sont plus que leurs molécules mères et présentent une activité estrogénique plus importante aussi. Oui, et puis ça, ces activités estrogéniques là, de toutes ces molécules, c'est ça qui causerait une féminisation des poissons, en tout cas exactement. Tout un tas de problèmes comme ça, ou chez les amphibiens aussi. Exactement, parce qu'ils miment l'action d'estrogène. C'est ça, exactement. Donc là, il a été question de la loi canadienne sur la protection de l'environnement et en particulier de son annexe 1. Et donc, dans cette annexe, ces produits ont été ajoutés. Donc, est-ce que la... J'imagine que l'objectif, c'était de réduire l'utilisation de ces substances? Oui, en fait, le plan de réduction du gouvernement fédéral visait quatre secteurs industriels. La fabrication et l'importation de produits contenant des NPE, on va les appeler comme ça maintenant. Ouais. L'industrie textile, l'industrie des pâtes et papiers et la fabrication et l'importation des pesticides. Alors, l'objectif de réduction des NPE dans les produits était échelonné sur deux phases consécutives. Une première phase qui visait une réduction de 50 % avant 2007, comparativement à l'année de référence qui est 1998. Et une deuxième phase qui visait une réduction de 95 % avant le 31 décembre 2010, toujours comparativement à 1998. Or, ces objectifs ont été atteints. Alors, la fabrication de NPE est passé d'environ à 2 millions de kilogrammes en 1998 à 200 000 kilogrammes en 2009, soit une réduction de 90%. Ben ouais, c'est quand même important. C'est très important. La quantité de NPE importée dans les produits est quant à elle passée de 850 000 kilogrammes en 1998 à 144 000 kilogrammes en 2009, soit une réduction de 83%. Concernant le secteur textile, un des objectifs était de réduire l'utilisation des NPE de 97 % par rapport à l'année 98, au plus tard le 31 janvier 2010. Alors, le secteur textile a surpassé son objectif dès 2006. En fait, l'industrie textile canadienne n'utilise pratiquement plus de ces substances. Mm-hmm. La quantité de NPE utilisée est passée de 207 000 kg en 1998 à 12 kg en 2009, ce qui représente une réduction de 99,99%. Et dans le secteur des pâtes et papiers? Oui, alors dans ce secteur, ce secteur a choisi d'affronter lui-même la problématique des NPE par des mesures volontaires. Alors, afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, la PFC, en collaboration avec Environnement Canada, a mené un sondage national en 2001. Il semblerait que leurs objectifs sont aussi atteints. Selon les informations recueillies, la quantité utilisée par ce secteur serait passée de 644 000 kg en 2001 à 1360 kg en 2003, ce qui représente là aussi une réduction de 99,8%. Mais donc on voit là finalement que les objectifs ont été atteints, qu'il y a une diminution drastique de l'utilisation de ces NPE dans l'industrie. Est-ce que toutes ces réductions se sont finalement traduites par une réduction des substances dans le milieu récepteur, c'est-à-dire dans l'environnement? Effectivement, la question est bonne. Oui, c'est ça qu'on veut savoir en bout de ligne. Oui, c'est ça. En fait, le MDDEFP, donc le ministère du Développement durable de l'environnement, de la faune et des parcs, a procédé à un suivi des NPE dans les rivières situées à près de 7 municipalités où se trouvaient en fait des usines textiles. L'échantillonnage a eu lieu mensuellement de juillet 2012 à juin 2003 pour 19 NPE différents. Alors, les résultats ont montré que les concentrations de NPE dans les échantillons prélevés en aval des municipalités dépassaient les critères de qualité de l'eau pour la protection de la vie aquatique dans 9 à 45 % des échantillons selon le site. Et les concentrations mesurées aux stations d'échantillonnage situées en aval des 7 municipalités étaient nettement supérieures au bruit de fond en amont, et ce qui confirmait finalement que l'apport des NPE par les eaux usées, en fait, des 7 municipalités à l'étude. Donc, ça prouvait qu'effectivement, ça venait des municipalités. À l'hiver 2009-2010, le MDDEFP a réalisé un autre suivi des NPE afin de répondre à deux objectifs. Le premier, c'est vérifier si les fortes diminutions de l'utilisation de ces substances dans la première décennie des années 2000 ont mené à une diminution de leur concentration dans les cours d'eau, et deuxièmement, de vérifier si les concentrations résiduelles dépassaient les critères de qualité pour la protection de la vie aquatique. Et qu'est-ce que ça a donné? Ben, les mesures des NPE totaux ont montré une forte diminution des concentrations de 2000 à 2003, comparativement à 2009 et 2010. Les diminutions observées varient entre 89 et 99 % selon le site. En fait, en regroupant les données des 7 sites échantillonnés au début de la fin de la décennie, la concentration médiane, c'est-à-dire celle qui divise la moitié des échantillons, a diminué de 93 %. et a entraîné une diminution de la fréquence, de l'amplitude et des dépassements des critères de la qualité de l'eau. La période 2000-2003 a totalisé 29 dépassements, avec des concentrations allant jusqu'à 12 fois supérieures aux critères, alors qu'entre 2009 et 2010, ben, il n'y a eu qu'un seul dépassement par un facteur de 1,2 seulement. Oui, donc c'est une nette amélioration. Nette amélioration, effectivement. Ben, dis-moi, François, c'est quand même encourageant. Puis, ce que ça me fait dire aussi, c'est que ben, ça montre que la législation peut quand même donner des résultats. Oui. Alors, puis ça vaut le coup de le souligner parce que ça ne marche pas tout le temps, hein, je pense. Non, tout à fait. Alors, merci beaucoup, François. On passe maintenant en pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle du clonage des espèces disparues.